L'amour moral. Il y a un peu de folie dans la façon de voir de toute cette famille, pensait la maréchale. Ils sont engoués de leur jeune abbé, qui ne sait qu'écouter, avec d'assez beaux yeux, il est vrai. Julien, de son côté, trouvait dans les façons de la maréchale un exemple à peu près parfait de ce calme patricien qui respire une politesse exacte et encore plus l'impossibilité d'aucune vive émotion. Il adressait la parole à la maréchale, mais son but unique était d'agir sur l'âme de Mathilde. Il s'anima de telle sorte que Madame de Fervaques arriva à ne plus comprendre ce qu'il disait. C'était un premier mérite. Puisqu'il est d'assez mauvais goût, se disait Mademoiselle de la Mole, pour parler ainsi longtemps et avec tant de feu à Madame de Fervaques, je ne l'écouterai plus. Pour Julien, il avait agi. Il était moins malheureux. « Je suis en retard, » s'écria Julien, « car il y a bien longtemps que je vois Madame de Fervaques. » Il se mit aussitôt à transcrire une première lettre d'amour. C'était une homélie remplie de phrases sur la vertu et ennuyeuse à périr. On porte ses lettres soi-même. À cheval, cravate noire, redingote bleue. On remet la lettre au portier d'un air contrit. Si l'on aperçoit quelques femmes de chambre, essuyez ses yeux furtivement. Tout cela fut exécuté fidèlement. Madame de la Mole a raison, se dit la maréchale. Ce jeune prêtre a de la distinction. Il faut que, les premiers jours, ma présence l'ait intimidée.